lèvent les chartes en laine et les faubourgs doucement défilent. Il y a dans le flou des yeux qui traînent sur des passants presque immobiles. Je prends la ville à contresens quand elle fourmille et qu'elle danse. Il faut des heures pour être ailleurs et tant de gens qui vous effleurent. Moi je préfère les odeurs floues, la douce humeur des rendez-vous, les âmes lentes qui circulent sur les trottoirs en funambule. J'attrape au vol les odeurs floues, la douce humeur des rendez-vous, les divagantes qui circulent sur les terrasses en fumant. Prochain arrêt, la patte d'oie, toute la place est dans le froid. Et quand il pleut jusqu'à nos yeux, on n'a pas l'air si malheureux. Y a même des gens qui sentent bon, qui se parfument à l'eau des ronds. Ils vont manger conciliabu, menu chichi et particules. Moi je préfère les odeurs floues, la douce humeur des rendez-vous, les âmes lentes qui circulent sur les trottoirs en funambule. J'attrape au vol les odeurs floues, la douce humeur des rendez-vous, les divagantes qui circulent sur les terrasses en funambule. Sous le café des artistes où je ne suis jamais entrée, peut-être un jour à l'improviste pourrais-je enfin m'y installer. Et je dérive vers le canal pour voir courir les citadins le long du quai de la Dorade, la promenade Henri Martin. Moi je préfère les odeurs floues, la douce humeur des rendez-vous, des âmes lentes qui circulent sur les trottoirs en funambule. J'attrape au vol les odeurs floues, la douce humeur des rendez-vous, des divagantes qui circulent sur les terrasses en funambule. Moi je préfère les odeurs floues, la douce humeur des rendez-vous, des âmes lentes qui circulent sur les trottoirs en funambule. J'attrape au vol les odeurs floues, la douce humeur des rendez-vous, des divagantes qui circulent sur les terrasses en funambule.